Eh oui, donc on démarre en douceur, c'est bien ce que je dis, j'étais un peu pressé, mais bon, bonsoir, salut, c'est Harry. Vous êtes dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9. J'en perds ma voix, tiens, dis donc, avec Canon. Oui, salut, salut, comment on dit, la France, ouais. Salut la Belgique, salut l'Europe, salut le monde. Oui, comment ça va? Bah, il va bien, un peu mouillé quand même. Hein. C'est vrai? Ah, pourquoi? Il va faire notre Louis Baudin à nous là. Et alors quel temps il fera la semaine prochaine, dis-moi? Ah, ce serait pas mal ça. Et on n'a pas ça sur RLM justement, une chronique météo, ce serait pas mal. Ah ouais? Ah si, certainement Arnaud, dans la matinale évidemment, il parle de la température et du beau temps qu'il fait. C'est vrai. Et notre rayon de soleil à nous aussi, il est là. Oui, bah j'ai merdé. Écouter ces matinales aussi parce que j'avais pas eu trop l'occasion. C'est sympa. Hein. Ah oui, c'est carrément. Donc on le rappelle, hein, que c'est tous les matins de 7h à 10h du matin, donc sur 107.9. Ouais, absolument. C'est donc les matinales d'Arnaud. Donc je parlais de rayon de soleil. Notre rayon de soleil là aussi, c'est Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Mais ça va. Je savais pas que j'étais un rayon de soleil, mais bon. Oh, petit, hein. Oui, bon, c'est déjà pas mal. Donc on n'aura pas Onissa avec nous ce soir. Ouais, non. Eh oui, pour des petits problèmes de, ouais, ne sentez pas bien méchant. Mais, donc on la retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment. On l'embrasse bien sûr, partout, on lui fait des gros poutous. Sherlock, ce soir on te retrouve pour les sorties Cinoche. Oui, alors ce sera aux alentours de 21h30 à peu près. Ouais, et juste avant, eh ben, il y aura le rétro ciné où je vais revenir sur un film. De quelle année? De 1992. Bien, Canon, toi aussi tu vas prendre la parole. Lauper, alias Cindy Lauper. Ah, bien. Voilà, avec des petites anecdotes croustillantes, qu'on découvre sa carrière, tout le monde la connaît, mais en fait, qu'on lit un peu d'où elle est venue. C'était pas très, très gay, en fait, et vu là où elle est arrivée, c'est formidable. Ah, bah écoute, on a hâte. Et puis, on vous parlera aussi de quelques dates à retenir autour de nous, autour de Boucron, des spectacles, des événements, des manifestations, et ça, ce sera tout au long de l'émission. Et on vous rappelle que si vous voulez donc communiquer sur l'antenne, n'hésitez pas à utiliser notre page Facebook sur donc Canon. Bah 120 au compteur sur Facebook, vous tapez 120 au compteur et voilà, et on sera là. On embrasse aussi les nouveaux auditeurs auditrices qui nous ont rejoints. Oui, exactement. Voilà, récemment. Oui. Et on va se retrouver après une non, c'est parce que je croyais que tu allais donner aussi le numéro de téléphone donc non, bah pourquoi? Ah bah si, tu veux que je donne le tien. Pourquoi? Alors c'est le 06. Tu comptes appeler? Non, bah pourquoi pas, tiens. 06 69 3 fois Sherlock. Bah une fois que je connaîtrai le numéro de téléphone par cœur, oui, je le donnerai, mais alors c'est le 056 34 11 81. Et de la France? Et de la France, le 00 32 56 34 11 81. Bien. Il doit pas dormir de la nuit, Sherlock. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous mets comme bonne musique? Eh ben, Jean-Pierre Madère avec Disparu. Ah, ah bah, ok. Et on reviendra juste après. Avec On se retrouvera, non? C'est bon, peut-être. C'est pas mal, we'll be right back. sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Dans l'émission 120 au compteur, bien évidemment, alors vous l'avez compris, hein, maintenant depuis un petit peu plus d'un mois, on a pris cette émission, ce créneau sur l'antenne de RLM, avec bien sûr Canon. Mais oui, et ça, ça m'a fait du bien, oui, et Onissa. Et Onissa, oui, qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement, donc pour des raisons de santé, hein, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, effectivement, je viens de recevoir un petit message sympa de la part de Juliette de Waterloo qui nous écoute. Ah, donc, voilà, donc, salut Juliette. Et oui, ouais, je me doutais, tu vois. J'ai pas une nouvelle de Juliette. Dis le prénom, je me dis, ça me dit. Chose. Alors, donc voilà, donc on salue Juliette et puis on salue tous les auditeurs, bien évidemment. Et ben, ça tombe bien, tiens, justement, puisqu'on parle de Waterloo, parlons d'un spectacle qui va avoir lieu donc le 13, le 14 et le 15 avril donc 2018, donc à la salle Roger Salengro de Waterloo. Et le spectacle donc s'intitule Quand les stars s'en Voilà, avec un jeu de mots sur 100 mêles. Oui, absolument. Voilà, voilà donc de la mélange. Voilà, de la troupe de temps en temps. Donc c'est un mélange de comédie et de danse. Donc c'est un spectacle, une belle production. Hein. C'est la dernière, c'est la nouvelle production donc, de la troupe de temps en temps. Et puis, bonne nouvelle, on va vous faire gagner des places sur l'antenne de RLM. Mais on va garder le suspense. Je un vais petit vous peu. Parler de. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a une belle com qui est fait autour de l'événement. Je la vois partout. Absolument. Très très belle affiche. Je vous en parlerai après une petite coupure musicale. Je vous parlerai un peu de l'histoire, de ce qui s'y passe sur scène. Vous allez voir, ça va se remettre. Et puis, on va faire des places jusque. Ça va être sympa. Bah, citons pour t'aider que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer très souvent cette troupe et c'est vrai que voilà, c'est une troupe qui est très talentueuse, très très bon danseur, bon comédien et puis c'est très sympa. Ils se sont produits à Waterloo évidemment, mais ils se sont produits aussi sur l'île, aux élites de l'île et également aux États-Unis. Donc, Miami. Voilà. Et Miami. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Non, c'est pas rien. Non, non, donc, c'est on loin. Les ouais, ouais. C'est loin. C'est très très loin. Sherlock, petite coupure musicale ? Oui, bien sûr. Alors, avec. On se retrouvera, non ? Ah, bah non. Non, non, non. Parce que celle-là était bonne pour le coup. Elle a disparu. Ouais. J'aime bien. Celle-là, elle était bonne pour le coup. Les autres sont nuls, tu sais. Mais c'est canon à peu près. Pour une fois, celle-là, elle était sympa. Ouais, merci. Non, non, non. C'est Michael Jackson avec Dirty Diana. Ouais, c'est un rapport avec la princesse Diana ou pas ? Non, pas du tout. Non. Avec Diana Ross ? Ouais, à la rigueur, ouais, c'est. Je pense. Parce que c'est un traducteur Dirty Diana, ça fait un peu. Sale de Diana, quoi. C'est ça, ouais. Ah, ouais. Bah, alors, à la base, ça parle d'une prostituée. Ah, super. Mais beaucoup de journalistes ont pris un peu le créneau comme étant Diana Ross. Ouais. Après, sa marraine, hein, on peut le dire. Ouais, ouais, bien sûr. Après, il y a eu aussi une petite anecdote par rapport à ça. Lors d'un concert qu'il a donné à Londres, au Royal Albert Hall, en présence de Diana, enfin de Lady Di. Oui. Et il n'a pas chanté. Alors, si. Mais il n'a pas dit Dirty. Non, non, non, du tout. Ah. Il a rencontré les Didi juste avant le concert et il lui a dit vous m'excuserez, mais je jouerai pas Dirty Diana. Enfin, il a plutôt dit vous m'excuserez, mais je ne ferai pas Dirty ouais, Diana. Mais, et elle a dit aussi, si, au contraire, moi j'adore cette chanson. C'était sa chanson préférée en fait de Michael Jackson. Ah ouais. Donc elle lui a demandé de le faire et il l'a fait de cette langue concert. Belle anecdote. Ouais. Voilà, donc là on se retrouve après Dirty Diana. You'll never worry tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked up to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm alright. I said, but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Dirty night. RLM. Et oui, vous êtes toujours sur RLM dans l'émission 120 au compteur. On espère que vous allez bien, que vous êtes bien calé dans votre fauteuil, avec peut-être un petit verre à consommer avec ou sans modération devant vous. Et puis, bah, que tout va bien se passer dans les deux heures qui vont suivre. Alors, je parlais tout à l'heure de Cyndi Lauper. Je suppose, les gars, vous connaissez Cyndi Lauper. Oui, bien sûr. Voilà. Mais par contre, tu nous avais donné son vrai prénom. Absolument. Elle s'appelle en fait Cynthia Anne Stéphanie Lauper. Ah ouais, c'est voilà, Cyndi Lauper. Oui, oui. C-A-S-L. Ça fait pas non, ça ne fait pas non plus. Alors. Donc, c'est une chanteuse. Alors, j'étais surpris, pardon. Une chanteuse américaine. Moi, j'étais. Vous le saviez qu'elle était américaine? Ah, oui, d'accord. Anglaise, quand même. Voilà, et moi aussi. Anglaise, moi aussi. Enfin, toi, t'es Wikipédia, je me doute que Charlotte le savait, mais. Bah, c'est par rapport au clip qu'elle tourne. Enfin, mais je l'ai souvent vu dans des. Plus dans les quartiers Bronx et tout. Oui, c'est vrai aussi. Exactement. Et elle vient du Bronx. Voilà. Elle vient du Bronx. Impressionnant. Hein. Donc, en fait, elle est née le 22 juin 1953, un jour après la fête de la musique. C'est beau quand même. Elle a donc aujourd'hui, j'ai pas calculé, 47, 67, 65. Ouais, 65, pardon. À peu près ça. Donc, elle est née dans le quartier du Queens à New York. C'est une des chanteuses emblématiques des années 80, notamment avec la chanson évidemment connue de Girls Just Wanna Fun, Time After Time. Par contre, She Bop, ça vous parle? Ben non, justement. Et on va en parler après. Et True Colors. Ah oui, True Colors. Donc, en 2011, est-ce que vous voyez à peu près le nombre d'albums? En 40 heures, 39-45, vous voyez à peu près le nombre d'allemands. Est-ce que vous savez le nombre de petits albums qu'il aurait pu vendre en Europe? Il y a 50 millions. En 2011. Jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011, évidemment. Sur toute sa carrière. Je dirais 50 millions. 50 millions. Bravo. Non, mais je t'ai coupé. Alors, non, mais je t'en prie. 50 millions d'albums depuis qu'elle a commencé. 50 millions depuis qu'elle a commencé en 2011. Donc, elle n'a pas commencé en 2011. Allez, je continue. J'ai pris des dates clés parce que c'est vrai, quand vous commencez à suivre un peu sa carrière, c'est énorme. Il faut savoir que son histoire est vraiment riche. Et pourtant, riche, en fait, c'est pas vraiment son univers. Je vous rappelle qu'elle vient du Bronx. Sa mère, connaissant de graves problèmes financiers suite à un divorce, en fait, elle la met dans un pensionnat avec ses frères et sœurs. Et à l'âge de 12 ans, elle commence à écrire des chansons, à jouer de la guitare, parce qu'en fait, la pauvre, elle est complètement en perdition. Et dans le même temps, elle prend goût à porter toutes sortes de vêtements extravagants. Donc, ça commence à l'âge de 12 ans. Elle a lancé une mode, clairement, aussi, à un moment. Elle était un peu punk dans son style. Et très vite, en fait, elle se consacre de plus en plus à la musique, évidemment, mais tant mieux pour nous, montrant un désintérêt pour l'école. En 77, c'est vrai qu'on remonte, on se dit elle est star des années 85-90, mais en fait en 77, elle s'abîme les cordes vocales tellement elle chantait, ce qui l'empêchera en fait de chanter pendant près de 2 ans, mais très très gravement. Ah oui, elle ne pouvait quasiment plus parler ni chanter. En fait, en 79, après un coaching intensif, Cyndi retrouve sa capacité vocale et monte le groupe Blue Angel avec le musicien John Turk. Il est signalé comme ça, mais j'ai pas trouvé de choses sur lui. Et cette collaboration naîtra un album éponyme intitulé Blue Angel, qu'on arrive pas à trouver. J'ai essayé de le trouver sur vous essayez des extraits. En parlant d'Estrée, pour mettre un petit peu de musique, est-ce que vous saviez que l'album en fait de Blue Angel contient la première version de Maybe You Know ainsi que I'm Gonna Be Strong? Ils sont en fait. Me parle pas. Bah, je vais vous si tu les as, Sherlock, oui. Si tu peux me les passer, c'est Maybe No. Écoutez ça, elle avait donc 23 ans. Donc voilà, on reconnaît bien sa voix. Ah ouais, carrément, voilà. J'adore ce style-là, mais je ne connaissais pas du tout. Il y a un peu de Phil Collins à Phil Standing. Vous avez reconnu, c'est un peu de Musicos. Et je vous ferai écouter un autre extrait aussi où ça reprend Girl Just Want Funk. Et en fait, c'est bien fait là-dessus. Et le deuxième, alors là, je vous demande d'écouter, parce que comme certains savent, et pas d'autres, tout le temps, il y a des chanteurs. Il y a des chanteurs ici, et j'aime les gens qui chantent. Et là, franchement, elle avait 24 ans. Écoutez bien ce qu'elle est capable de faire, parce qu'elle avait 24 ans, elle était inconnue. Franchement, elle chantait dans des bars, et voilà ce qu'elle produisait. Alors là, c'est la version moderne. On n'arrive plus à trouver la version 1973, mais voilà ce qu'elle produit. C'est donc I'm Gonna Be Strong. Ça calme quand même. Ah ouais, radio. Absolument. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, alors comme j'ai un peu de matériel, j'ai passé ce spectre là de cette musique pour me demander si c'était pas en fait un rajout qui avait été fait et tout. Non, techniquement c'est pas du tout. Alors à moins que l'ingénieur du son est très fort, mais elle nous a déjà montré qu'elle est capable de tenir des choses impressionnantes. Ah bah non, mais formidable. Carrément. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite pause ou je continue On se fait une pause et puis on se retrouve là juste là-dessus. Après. Bah ouais. Voilà, donc, Sherlock. Vas-y. On se fait une pause avec. Tiens, tu peux le faire dans ce sens-là. Ouais. Je vous ai fait un petit mix, alors toi, tu vas adorer. C'est qu'en fait, il y a un côté. Ça s'appelle du mash-up. Ouais. Et en fait, au départ, c'est une version un peu techno et remixée de Time After Time. Et après, vous avez la version que j'adore de Girls Just Want Funk. Girls Just Want to Have Fun. Merci, mais je sais que moi c'est plutôt néerlandais et cambodgien. Bon, vas-y, envoie-nous ça va être du son pendant 3 minutes et un quart et tu vas voir ça. Allez, c'est parti. Confusion is nothing new. Flashback. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tu connais mon avis, Canon. Moi, je suis un puriste, donc... Alors, oui, c'est vrai. Je préfère la version originale, après, pourquoi mais pas. Moi aussi, mais c'est ce qu'on se disait, on l'a dit très très souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la techno sur n'importe quoi, il y a des gens qui arrivent à faire des mash-ups. C'est pas vraiment un mash-up, là, il y a quand même un mix, tout ça, mais c'est plutôt sympa, ça met quand même du rythme, et c'est, oui, ce qui non, sort, c'est sûr. Oui, voilà. Mais non, je pense que cette version-là passerait peut-être mieux que, sur les dance floors actuels que l'ancienne version, c'est certainement. Sûr, ouais. C'est sûr. Alors, il faut savoir, par contre, je reviens sur donc Blue Angel, c'est que l'album, en fait, est des années 70, c'est un échec commercial, et pourtant, vous avez entendu la voix qu'elle avait, mais ça passait pas. Ah ouais. Trop et qu'on novateur. Peut pas retrouver alors. On peut pas retrouver du tout. Franchement, moi j'ai cherché. Je pense que si on y passe deux jours, on trouvera un moment. Ah ouais, mais d'accord. Bon, j'y ai passé du temps quand même, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, il faut savoir que le groupe va s'endetter, se disloquer. C'est alors que Cindy, en fait, commence à chanter dans les clubs et restaurants new-yorkais, se faire repérer. Sa carrière débute donc véritablement en 83. She's So Unusual, le premier album solo de Cindy, sort en fin d'année, connaît un grand succès, près de 6 millions de disques vendus aux États-Unis. Ah ouais. Donc, pour un premier album d'une nana qui chantait dans un restaurant à New York et qui était des bas-fonds du Bronx, c'était pas mal. Aux côtés de Popular Girl Just Want to Have Funk, acidulé et sautillant, se trouve Time After Time, repris ensuite par Mike Davis, F. Cassidy, Shebop, qui passe pour une sorte d'apologie de la masturbation. Pardon? Alors, je vais vous dire, et All Through the Night. Alors, Shebop, Shebop, je vais vous faire, ce qui serait bien, c'est que tu puisses me mettre un extrait. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que c'est pas très connu. Une explication de texte. Alors, par contre, j'ai tapé évidemment Shebop dans les traductions pour essayer de voir y accorder. Et effectivement, en fait, ça passe. C'est un peu compliqué le texte. Il y a pas vraiment de sens, mais tu comprends bien là-dedans. On parle de point G, on parle d'érotisme, on parle de tout ça. Ah ouais, et donc, Shebop, Bob, évidemment, n'est pas traduit puisque ça veut dire Shebop. Je suppose que elle s'éclate. Et en fait, il faut suivre tout le dans le texte. Oui, d'accord. Voilà pour comprendre que Shebop. Oui, toi. Je me bop. Je me gosse. Alors, Cyndi Lauper marquera l'image, évidemment, de la chaîne MTV aux États-Unis. Je dis évidemment parce que c'est la première femme à profiter de la force du vidéoclip. On a parlé d'autres. Elle est reconnue comme la première femme à vraiment avoir une carrière qui fonctionnait et qui a vraiment explosé avec la force du vidéoclip. C'est la première femme dans l'histoire du rock à avoir placé 4 chansons d'un même album. Donc, la première au top 5 du Billboard 100 aux États-Unis. Time After Time en numéro 1. Ah ouais. Girl Just Want to Have Fun en 2. Shebop. 3, et pourtant elle n'est pas très connue. Ouais. Et All Through the Night, je n'ai pas pu mettre en extrait, mais que tu as peut-être à nous faire écouter. Tu nous as parlé aussi de True Colors, non? True Colors, mais qui n'a pas été. Qui n'était pas dans cet album. Qui était. J'ai pas l'info. C'est possible. Non, j'ai pas l'info. Ah, je sais pas, si vous voulez, j'ai pas l'info. Mais ce True Colors n'a pas été dans les plus grandes ventes. Ah, d'accord. Et pour terminer, le succès acquis, Cyndi Lauper passe la majeure partie des années 84 à 85 en tournée mondiale. En 85, elle interprète la bande originale du film. Ah, Monsieur Sherlock. Les Goonies. Les Goonies. Absolument. Ouais. Des Goonies. Exact. Les Goonies. De Richard Donner. Donc, voilà. The Goonies Real God Enough et participe au phénomène USA for Africa. Hein. Oui. Et notamment la chanson We Are the World, où elle participe bien sûr dedans. D'ailleurs, on entend quand elle chante ces 5-6 secondes où on entend qu'elle, parce qu'elle a une voix très particulière. On reconnaît sa voix, on la distingue bien. Ouais. Et jusqu'à cette période, Cyndi Lauper conservera une image de fille exubérante et décalée. J'aurais pu aller plus loin, je peux le faire la semaine prochaine, parce qu'elle a vraiment une actualité. Et en fait, elle a pas changé, c'est qu'elle est devenue Madame Lauper et elle chante toujours très, très, très bien. Par contre. Oui, je t'en prie. Ah non, je voulais juste rajouter qu'elle a aussi créé une comédie musicale qui marche du feu de Dieu aux États-Unis, à New York. Assez récemment. Ouais. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Moi non plus. Ils sont tous au talon. Et je retrouverai le nom, tiens, justement, mais il paraît que c'est une super comédie musicale. Et elle s'est diversifiée, elle est aussi actrice maintenant. Ah ouais. Parce que ouais, elle a joué notamment dans la série Bones. Chers auditeurs, ils sont en train de faire ma future chronique. Non, c'est vrai. Oui, non, mais c'est tout à fait. Elle a changé de carrière. Bon, elle chante toujours très, très bien. Et elle a repris des mots aussi, une chanson que je n'ai pas trouvé, le Stone, le monde est Stone, en anglais. Et on n'en parle pas. Stone, bizarrement. The world is Stone. Parce que je me sers, évidemment. Oui, c'est ça. Je me sers de Wikipédia que je ne copie pas, mais je vais chercher plein de sources à droite, à gauche. Et bizarrement, c'est la grande inconnue. Personne n'en parle. Version anglaise de Starmania, Tycoon. C'est ça, Tycoon. C'était dans la version Tycoon. On n'en parle pas. Un petit entrefilé, comme quoi dans sa filmographie, biographie, discographie, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as All Through the Night? Non, j'ai I Drove All Night. Ah oui, c'est bien ça. Mais oui. J'ai pas All Through the Night. D'accord, bah écoute, c'est bien aussi. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire cette coupure musicale avec I Drove All Night, c'est ça, hein? Oui. Et puis bah, pendant la coupure musicale, tu vas nous faire Bouffi Bouffon. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va aller. Si, tu vas nous faire Bouffi Bouffon pendant la coupure musicale. Pour moi, c'est pas ma chronique. Hein. c'est à toi que ça va le mieux. Alors, on expliquera après la coupure musicale bah ça, ce que c'est que Bouffi Bouffon. Regardez les Goonies. Ouais. Ce qu'on va faire, on va filmer en live. Allez. Au compteur sur RLM. Donc voilà. Comme tous les mardis soirs, hein, de 20h à 22h. Voilà, dernière sur la fréquence, mais première sur les Hit. Absolument. Ah, t'as eu un blanc, t'as eu un blanc. Non, non, un gage. Absolument pas, absolument pas. Donc voilà, vous êtes toujours avec notre ami Harry qui est en train de faire un live. Écoute, je découvre le live sur Facebook, c'est vachement bien. Il s'amuse. Sympa, salut les amis. Il s'amuse. Bon, exagère pas non plus, hein. Je sais pas si c'est des amis pour toi. De vagues connaissances. Et nous sommes avec Sherlock. Oui, bonsoir. Bah, comme ça, ça vous permet aussi de voir l'autre côté, visualiser tout ça. Je retire mon casque. Voilà. Voilà, donc bon, ça revient au même qu'avec le casque. Mais alors, c'est pas radiophonique par contre, donc voilà, on va arrêter là-dessus. Alors, pendant la pause musicale, justement, on faisait le bouffi bouffon. On a démarré là-dessus. Alors, est-ce que tu peux quand même nous expliquer, Sherlock, ce qu'est le bouffi bouffon? Alors, la danse du bouffi bouffon, c'est dans le film Les Goonies. C'est Choco qui danse ça. Non, c'est pas Choco. Comment non, il s'appelle? Non, Choco, c'est le monstre. Bref, je ne sais plus. Oui. Mais c'est l'un des Goonies qui fait ça, donc pour rentrer dans la maison de ses amis. Il est obligé de danser, montrer son ventre et se tortiller dans tous les sens. Voilà, absolument. Voilà. Et donc Sherlock nous l'a fait en direct. Voilà. Donc vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Je vais le mettre évidemment. Car sachez que quand Sherlock rentre chez lui, il doit faire pareil. C'est-à-dire sa femme l'attend. Parce que l'animateur, c'est quelque chose quand même un peu compliqué. Et voilà, tu fais bouffi bouffon. Alors au passage évidemment, donc je salue aussi Karine qui nous écoute. Oui, il y a beaucoup de personnes. De Saint-Quentin. Saint-Quentin, oui, absolument. Oui, c'est vrai. Saint-Quentin, juste à côté de Moucron. Il y a aussi Jacques aussi également qui nous écoute de Marseille, donc on le salue et on salue aussi tout le monde. Il y a Guy, il y a aussi Kous qui nous écoute. Oui, donc, voilà. Ahmed de Marrakech aussi qui nous écoute. Donc voilà. Décidément. Donc j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Si vous souhaitez donc nous faire part donc d'une information autour de vous, autour de chez vous, je sais pas, un spectacle, un concert, que sais-je, un événement, un marché. Bien sûr. Bah, n'hésitez pas. Voilà. Allez directement sur la page Facebook 120 au compteur. Puis vous nous rejoignez là directement, puis vous lâchez vos coms, on vous met nos chroniques, voilà, on essaye de faire quelque chose de ludique, hein, comme ces petites vidéos en direct hein, que nous adorons. Voilà. Absolument. Voilà. Alors, on va se faire une petite coupure musicale et juste après, effectivement, je vais revenir sur la nouvelle production donc, de la troupe de temps en temps, qui s'intitule Quand les stars s'en mêlent. Ça aura lieu donc d'ici quelques semaines. Donc je vais vous en parler juste après et bonne nouvelle, on aura l'occasion aussi de vous faire gagner des places. Ah, ça c'est génial. Donc, ne quittez pas l'antenne et restez bien sûr sur RLM 107.9. Je me permets, je fais un gros bisou à Kous qui nous écoute. Ça fait un petit bout de temps que je t'ai pas vu, Kous. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ah, il répond. Oui, rien à foutre. T'as pas changé. Qu'est-ce qu'il nous met, Sherlock? Triple Jam avec le groupe Portrait. Qui chantait Je te donne mon cœur. C'était en 1997. On se retrouve tout de suite après. Oui. Harry, Je te donne mon cœur, ça te dit? Non, pas du tout. Non. Ah bon, bah, tant pis, tu l'auras quand même. Non, merci. Ces âmes s'ouvrent sous ton charme, yeah. Une partie de mon âme s'enflamme, je suis sous le charme. Une partie de mon âme te réclame, ces âmes s'ouvrent sous ton charme, yeah. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours, RLM, RLM, 107.9 FM. Et oui, vous êtes bien de retour sur 120 au compteur, enfin dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9 FM. Fais attention là, t'as failli faire une bêtise. Oui, oui, bah oui, c'est vrai. Je me mets à parler, je fais mince, j'ai pas monté mon micro. Il faut brancher les micros. Bah oui, parles, c'est important. C'est vrai. Mais je suis stagiaire encore. Hein, bah ouais, bah, t'as pas l'habitude d'une radio professionnelle. Hein, c'est ça. Bon, je vous parlais justement, juste avant la coupure musicale, donc de la nouvelle production de la troupe De Temps en Temps, oui. De Waterloo. Le titre, c'est Quand les stars s'en mêlent. Donc c'est une comédie, alors ça mêle comédie et danse. Ça aura lieu donc du 13 au 15 avril donc 2018, donc à la salle Roger Salengro de Waterloo. Donc c'est le 13 à 20h30, le 14 à 20h30, et le 15, donc le dimanche, à 15h30. Donc c'est un spectacle. Alors je vais vous faire le pitch quand même, parce que c'est une super production, je peux vous dire. C'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens. Vous avez sur scène pas moins d'une trentaine de personnes, hein, de danseurs, de comédiens qui vont s'enchaîner sur scène, voilà, carrément. Et pour vous faire un petit pitch, bah, c'est ni plus ni moins l'histoire de deux hommes d'entretien qui s'occupent donc d'une salle de spectacle, d'une grande salle de spectacle. Et parmi l'un d'entre eux, il y en a un qui veut absolument devenir une star, et il va essayer de s'incruster, il va essayer de faire des castings, il va essayer de s'incruster dans des numéros de danse, dans des numéros de chant. Et la question subsidiaire, c'est de se dire, bah tiens, est-ce qu'il va réussir ou pas, réussira-t-il, hein. Voilà, est-ce qu'il va réussir à être en haut de l'affiche. Donc ces deux personnages, c'est Tristan et Jean. Donc Tristan et Jean, donc deux prénoms assez sympas. Je peux vous dire que c'est deux comiques déjà, qui vont vous emmener parmi donc les danseurs, parmi des comédies. Alors il y aura aussi des allusions sur beaucoup de comédies musicales, oui. Évidemment. Il y aura aussi pas mal de rétrospectives sur les films. Enfin, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une belle production. Et je vous propose donc tout simplement de remporter vos places si vous souhaitez donc participer, soit le 13. Ah, sympa. Soit le 14, soit le 15 avril. Et bien pour ça, c'est tout simple, il suffit de nous envoyer un petit message en nous rappelant le titre du spectacle. Voilà, on vient de le dire. Hein. Voilà, sur notre page Facebook, donc 120 au compteur, donc sur RLM. Donc vous nous donnez le titre du spectacle, le premier qui nous le donne, et bien remporte deux places, évidemment. Et après en MP, il me donnera évidemment son nom et son prénom. On vous rappelle qu'on voit tous les commentaires avant, donc ils ne seront pas publiés. Voilà, le titre du spectacle, donc qui se passera le 13, 14 et 15 avril à 2018 à la salle Roger Salengro de Waterloo. Pour ceux qui ne savent pas, Waterloo, c'est très proche de Lille, et la salle Roger Salengro est juste à côté de la mairie, c'est au milieu. En fait. C'est vrai. C'est ça. Tu as 200 mètres. D'ailleurs, voilà. Je crois que de la salle Roger Salengro, on voit le bureau du maire. Absolument. Qui regarde tous les spectacles. C'est ça, gratuit. Il a demandé à toi, Terrasse, d'ailleurs, avec. Lui, il regarde tout gratos, par contre. Qui nous écoute, on parle de Dominique Barre, qui nous écoute et qu'on connaît très, très bien. Je suis pas sûr qu'il nous écoute, mais. Non, qui nous a déjà écouté. Si, ah, si, oui, si, certainement, je peux te le dire. Peut-être. Ah, si, voilà. Qui me donnait des nouvelles assez récemment. Il se porte très bien, tout va bien, et il sait qu'on est toujours. Et il fait agrandir sa terrasse d'ailleurs. Il fait agrandir sa terrasse pour voir le spectacle. C'est n'importe quoi. Bon, au lieu de dire des bêtises, passe à la musique. Oui, on va repartir juste avec les Army of Lovers et Crucified. Mais t'adores ça. Ah non, c'était Stéphane qui l'avait passé dans son défi mix. C'est vrai. Et ouais. Tu veux que j'en mette une autre peut-être? Non, c'est très bien, moi j'aime bien. Staffage que vous retrouverez donc tous les premiers mardis du mois, donc ça sera bien prochaine. La semaine prochaine. Ouais, normalement, oui, c'est la semaine prochaine. J'espère qu'il nous ramènera nos attaques. Parce que chaque fois, il nous dit « Ouais, c'est samedi. » Puis j'écoute samedi, je fais « Ah oui, non, mais moi, je parle du défi mix. Hein, après, ah oui, effectivement, oui, Sherlock émission, va se réveiller, chers auditeurs. Vous allez voir, on parle de mardi prochain. Là, non, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait quelques semaines où il nous dit « Ouais, je vais bientôt avoir mon émission. Et puis chaque semaine, je me dis « Alors, c'est là. » Et puis là, samedi, je fais « Alors, c'est là. » Et il me dit « Bah non, toujours pas. » Je fais « Oh, mais ouais, bah après ça, 45 000 euros, faut les trouver aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Allez, mets-nous bon. Crucified. Crucified avec Army of Lovers. On se retrouve tout de suite après. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur. Je suis trop, l'ami. Mais non, 120. Je veux pas dire de conneries non plus. Oh bah oui, je m'en doute. Alors, donc, vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur sur la radio RLM 107.9. Ça va bien, comme ça? Bien, et numéro de téléphone pour nous joindre? 056 34 11 81 ou bien. Depuis la France, le 00 32 56 34 11 81. Mais si vous voulez nous joindre, évidemment, c'est pendant la pause musicale. Oui, bien sûr, forcément. Oui. Alors là, je vais vous parler d'un film, film qui est sorti en 1992, et plus précisément le 25 novembre 1992. C'est un film de Émile Ardolino. Ouais. Et je suis sûr que ce nom ne vous dit rien. Parce si, absolument, moi si. Hein. Ah bon si. Ah ouais, c'est un rapport avec Roadhouse. Ah oui, bah oui. Mais, bah oui. Mais c'est pas ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, tu m'as collé là. Ah, ah bah okay. Ouais, mais c'est pas Roadhouse. Ah, mais c'est le... Non, c'est... mais c'est un rapport. Il y a un point commun entre ce film et Roadhouse ou pas? Alors, entre ce film-là, non. Ah. Mais avec un autre film. Du même réalisateur. Automatiquement, oui, il y aura non, un non, non, non, non, non. Alors, on est en train de se perdre. Oui. On est en train de se perdre. Je vais continuer. J'arrête. Parce que vas-y, là, sinon, on va partir dans n'importe quoi. La musique est de Mark Scheiman. Le film a fait 2 548 371 entrées au box-office français. Il a reçu 5 prix et 3 nominations. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même pas mal. Je vais vous donner peut-être. La première musique que j'ai retirée du film, c'est celle-ci. Alors, est-ce que ça vous parle ? Enfin, la chanson, oui, sûrement, ça doit vous parler. Est-ce que dans ce film, on parle de chrétienté ou d'évangélisation ? Oui, bien sûr. D'accord, je sais. Ah, d'accord. Ah bah oui, évidemment. Ah ouais, vous êtes bien tout de suite partie là-dessus. Non, c'est parce qu'elle était apparue également dans un autre film, cette chanson. Est-ce que c'est un point commun avec Odame ? Oui. Ah bah oui. Bah alors oui. Voilà pourquoi... oui, d'accord. Voilà okay. Pourquoi le lien oui, aussi mais avec Odame. C'est Canon qui m'a mis sur la piste, hein, vraiment. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Alors, bon, je vais vous donner un des dialogues du film. C'est celui-ci, écoutez bien. Voici votre cellule. Ah, quoi ? Votre cellule. Votre chambre. Eh ben, c'est pas triste. Étonnant que vous ayez attendu jusqu'à maintenant pour me la montrer. On se croirait dans un cauchemar. Où est passé le reste du mobilier ? Nous menons une vie très simple. Nous avons peu de besoins et donc peu de biens matériels. On est où, là ? À l'âge de pierre, il n'y a même pas de téléphone. Qui appelleriez-vous ? Je sais pas, moi. Satan ? Alors, on oui, connaît bien sa forcément, voix. Forcément, ça vous on parle. On connaît sa voix, déjà. Bah oui, oui, mais bien sûr. Alors, il y a un autre extrait qui est... qui est assez emblématique du film, mmh. Où on reconnaît également sa voix, c'est celui-ci. C'est ici la répétition. C'est ici. Venez qu'on entende votre voix. Soprano ou alto ? Ça m'est égal. Êtes-vous avec nous ? Je le connais pas, celui-là. Je pense qu'il vaut mieux que je m'abstienne. Excusez-moi. Alors, vous connaissez la musique ? Vous avez été chef de chorale ? Comme pigiste, disons. Vous croyez que je ne comprends pas ? Je sais très bien ce que vous mijotez. Quoi ? Vous êtes la remplaçante. Elle vous a fait venir pour me remplacer au placard, la vieille. Alors ? Bah oui, là, forcément. Oui, oui, on a la réponse. Bah oui, on forcément. Le sait, bah oui. D'ailleurs, quand elle a vu Dieu pour la première fois, elle a fait youpi. Bah oui. Oui, effectivement. Alors, forcément, vous avez trouvé le titre. Est-ce que vous connaissez le titre québécois ? Parce qu'ils ont toujours des titres alors, sympas. Le titre québécois, la chanteuse noire. Les sœurs de je sais pas quelque chose. Non, hein. Pas tout à fait, non, c'est avec les nonnes. Ça parle de rock. La nonne noire qui retourne vers tabernacle. Le titre québécois, c'est Rock and Nonne. Rock and Nonne. Ouais. C'est sympa. Hein. Oui, ouais, ça peut le faire. Hein. Et il y a la chanson emblématique du film, c'est celle-ci. Et on se retrouve tout de suite après, je vous expliquerai des petites anecdotes. Ça marche. My heart, I knew there is a ocean too deep. RLM 107.9 FM. Et oui, donc on revient à l'antenne de RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et donc là, la chanson, c'était I Will Follow Him du groupe de non de Sister Act. C'est ça le titre, Sister Act. En français, oui, effectivement. Alors, il faut savoir que la chanson que je vous ai passée tout à l'heure, c'était Rescue Me. C'est Fonte la Basse qui chante. Ah bon? Et le, oui. Ah ouais, et cette chanson apparaît également dans une autre BO avec Whoopi Goldberg, parce que c'est l'actrice principale donc, de Sister Act. Je vois lequel. Dis-moi. Jumping Jack Flash. Bien, très bien. Jumping Jack Flash, qui est sorti en 1986. Ah alors ouais. Là, dans les acteurs de Sister Act, il y a Whoopi Goldberg, Bill Nunn, Harvey Keitel, Katina Jimmy, qui fait Sœur Mary Patrick, qui est la nonne qui est un peu forte. Ouais. Wendy McKenna, qui fait Sœur Mary Robert, qui est celle qui va rentrer en tant que nonne. Mm-hmm. Maggie Smith et Mary Wicks. C'est alors là, c'est sœur Marie, je sais plus quoi. Enfin bref, il y a plein de Marie. C'est que Marie, des sœurs. Marie, ouais, c'est ça. Marie couche toi là. Non, il n'y a pas Marie couche toi là. Il reste une place. Alors donc, il faut savoir que le scénariste Paul Rudnick a écrit le scénario original en 1987. Et Bette Midler devait interpréter le rôle de Dolores. Ah, ça aurait été sympa aussi. Après que Midler ait quitté le projet, le scénario a subi plusieurs réécritures par les scénaristes. Carrie Fisher, qui a été scénariste pour le film. Ouais. Rappelons. Star Wars. Oui, c'est ça, c'est Princesse Leia dans Star Wars. Décédée, malheureusement. Oui. Ouais. Alors, il y a Eleanor Bergstein, Nancy Meyers, Jim Cash, Jack Epps Jr. et Robert Harling, qui ont été tous scénaristes sur ce film. Et comme Rudnick ne considérait pas la version finale du film comme son propre travail, le pseudonyme Joseph Howard fut choisi par lui après que sa propre suggestion pour le crédit de l'auteur, donc Screenplay by Goofy, il voulait se faire appeler Goofy, ait été rejeté. D'accord, ok. Alors, le groupe de filles de Dolores porte le nom des Ronells, parce qu'elles chantent au départ dans un casino à Reno. Ah oui, ah oui c'est vrai. La petite Las Vegas. Exact. Mm-hmm. Et donc, ça porte le groupe des Ronells, une combinaison des noms de deux autres groupes de filles des années 60, les Ronettes et les Shirelles. Ah ouais. D'accord. Lauren Holly, qui a joué dans Dingue de toi et Ce que veulent les femmes notamment, a auditionné pour le rôle de Sœur Mary Robert, joué finalement par Wendy McKenna. Pedro Almodovar a refusé une offre pour diriger le film. Normalement, il aurait pu diriger le film. Ah bon ? C'est pas son empreinte après, quand tu regardes. Ouais, bah non, mais. C'est un film qui a réussi et qui a pris de l'ampleur maintenant. Mais oui. Je veux dire, Almodovar à l'époque, c'était pas son empreinte. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que, alors que Paul Rudnick était en train d'écrire le scénario, Bette Midler, qui était donc la star à l'époque, a suggéré qu'il devait aller dans un vrai couvent pour faire des recherches. Il est alors allé à l'abbaye de Regina Laudis à Bethléem, dans le Connecticut. Ouais, parce qu'ils ont des noms. C'est très connu, ouais. Ouais, bah, non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils reprennent des noms de villes d'Europe aussi. Ah, bah oui, mais même aux États-Unis, il y a des villes, il y a plusieurs villes avec le même nom, quoi. Par exemple, moi, je suis allé à Hollywood. Mais qui est sur la côte est aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a Hollywood aussi sur la côte ouest. Ouais. Donc, oui. On a le Mississippi du côté de Boulogne-sur-Mer aussi. il va jusque là. C'est ça. Alors donc la mère supérieure de ce couvent était Mère Dolores Hart, qui en tant que jeune femme avait été actrice, chanteuse et danseuse dans des films hollywoodiens comme Bagarre au King Creole avec Elvis. Oula. Mère Hart est toujours la seule religieuse connue à être membre votante de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, et elle et ses compatriotes aiment regarder les screeners de l'Académie chaque année, et c'est de là d'ailleurs que vient le prénom de Whoopi Goldberg dans le film, Dolores. Ah d'accord. Ça vient d'eux ? Ça vient de la mère Dolores Hart. Ils ont repris, c'est un petit clin d'œil en fait qu'ils lui ont fait. Whoopi Goldberg a embauché Carrie Fisher pour réécrire son dialogue, ce qui a conduit à de nombreux arguments avec les dirigeants de Disney. Chaque moment, elle dit je suis ta sœur. Non, pas du tout. Mais alors, il faut savoir que Carrie Fisher a dit plus tard à Whoopi Goldberg, vous vous lancez dans un concours de pisse avec des gens qui en ont dans le pantalon. Voilà. Parce que Whoopi Goldberg voulait imposer un petit peu son choix, ce qu'elle a quand même réussi à faire, mais c'était pas gagné au départ. Et Carrie Fisher, qui connaissait déjà assez bien le milieu pour avoir déjà travaillé dans les Star Wars, connaissait quand même bien les producteurs. Et si ça va pas, je t'envoie Chewbacca. Alors, comme de nombreuses scènes ont été tournées à Reno, les membres de la distribution restaient souvent dans leurs costumes de nonnes et se promenaient sur le plateau pour faire des farces dans les casinos, les bars, les clubs et les clubs de striptease. Ça, c'est pas mal. Cathy Najimy, donc, qui joue Sœur Marie Patrick, hein, qui est la sœur qui est un peu forte, et Wendy McKenna, qui joue Sœur Marie Robert, raconte le fait qu'elles aient commandé du vin et des frites à leur chambre d'hôtel et ont ouvert la porte dans leur costume de nonne alors qu'elles avaient mis un porno à fond à la télévision, juste pour jouer avec le personnel de l'hôtel. Ah ouais? Ouais, donc bah, ils s'amusaient bien quand même. Hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. Il faut savoir d'ailleurs que la voix chantée de Wendy McKenna a été doublée par Andrea Robinson. Donc c'est pas elle qu'on entend dans le film. Contrairement aux autres nonnes. Ouais. Alors par contre, Cathy Najimy, c'est sa vraie voix. Hein. Celle qui monte très très haut perché, sa vraie voix. Ouais. Ah oui, bah donc c'est, oui, je te le disais en antenne. Elle chante vraiment. Oui, elle chante vraiment. C'est la sœur Marie Robert qui ne chante pas vraiment, en fait. Elle fait du playback. Et enfin, le film a eu droit à un deuxième opus en 94, ainsi qu'à une comédie musicale à partir de 2006. Whoopi Goldberg a d'ailleurs fait quelques représentations, mais en jouant cette fois la mère supérieure dans la comédie musicale. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ah bah écoute, bien, ça me rappelle des souvenirs. En parlant de super belle voix, il y a Lina Kaira. Vous vous souvenez, voilà, oui, qui nous fait un bisou. Voilà, ah bon, la salue, évidemment. Un bisou à toi. Et ben voilà. Il y a 2-3 heures de ça, elle va bien, elle continue, elle fait des albums, elle demandait ce qu'on devenait. Alors je vais expliquer un petit peu. Qui fait un super cover sur Amy Winehouse. Oui, absolument, mais elle a une voix, voilà, elle fait pas semblant. Elle chante vraiment très bien. On parlait de Whoopi Goldberg, et puis voilà, c'est vraiment une très très belle voix. Voilà, petit aparté. Eh ben écoute Sherlock, merci à toi. Et puis on se fait une petite coupure musicale et on reparle justement du spectacle quand les stars s'en mêlent justement. Okay. Eh ben on se retrouve tout de suite après Corneille avec Parce qu'on vient de loin. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passé nous laisse vider un certain perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque haine comme si c'était la dernière. Quand on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque moment. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour. musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sur les hits RLM 107.9 FM. Et bien sûr, dans l'émission, on s'en va au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h avec Canon et Sherlock, entre autres. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Sherlock, il est bien là, il est bien derrière la table. Hein. Oui, ça va. Ouais, ça va, je m'y fais. Ouais, ouais, ouais, mais nous pas. Ça fait 6 ans, je m'y fais pas. Je prends mes marques, là, ça va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, on devrait tous tourner derrière la table, techniquement. C'est vrai qu'on devrait faire. Que la semaine prochaine, ce soit Canon. On devrait faire une tournante. Bah, écoute, ouais, ouais. Pourquoi pas? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait une tournante. Ouais, là, la transition, elle va pas être terrible. Là, mais, y en a pas, d'ailleurs. En parlant de tournante. Sans transition, Non, je vais vous parler évidemment donc du spectacle Quand les stars s'en mêlent, qui aura lieu donc le 13, le 14 et le 15 avril donc 2018 à la salle Roger Salengro. Donc c'est la nouvelle production de la troupe De Temps en Temps, hein, je vous rappelle, hein, qui a déjà été qui a déjà tourné pas mal avec d'autres spectacles. Il y avait Existencia à l'époque, il y avait aussi Les Danseurs du Père Noël, voilà, pour Noël. Et Paris récemment. Et Paris on t'aime, absolument. Et donc là, donc dernière production, nouvelle production, parce que c'est pas la dernière, croyez-moi. Donc ça s'appelle Quand les stars s'en mêlent. Et on vous propose de remporter vos places si vous le souhaitez. C'est tout simple. Il suffit de nous envoyer votre nom et votre prénom sur notre page Facebook 120 au compteur. Voilà, donc sur RLM 107.9. Le premier qui nous balance son nom et son prénom et surtout qui nous donne le titre du spectacle. Bien sûr, on vient de le dire trois fois. Voilà, donc je ne répète pas, mais vous nous donnez le titre du spectacle et vous remportez donc soit deux places pour le vendredi ou pour le samedi ou pour le dimanche. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Est-ce que tu peux me donner une star quand même? J'en ai bien une. Ah ouais, absolument. Allez, bah, tout à l'heure, on parlait de Sister Act. Il y a un moment où il y a une scène qui nous parle un peu de Sister Act. Ah, avec, et c'est assez sympa. C'est assez sympa, d'accord, j'avoue. Ouais, c'est assez sympa. On est plutôt sur les stars, oui, emblématiques. Enfin, les grandes stars. Absolument. Absolument. Ils vont balayer toutes les grandes stars d'hier et d'aujourd'hui. Génial. Vous allez tous vous y retrouver, que ce soit pour petits ou pour grands. Effectivement, c'est un spectacle qui s'adresse à tout public. Donc, c'est Quand les stars s'en mêlent, oula, je l'ai dit. Donc si vous voulez remporter votre place, c'est compliqué. C'est très très compliqué, il suffit sur Facebook de nous rappeler donc le titre du spectacle et vous pourrez remporter donc votre place soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. On parle de votre lot, tiens, justement. Oui. C'est aussi la période, parlons-en, c'est la période du carnaval. Hein. Carnaval, oui, effectivement. Eh bien, juste après la coupure musicale, on parle du carnaval de votre lot. Oui, bien sûr. Allez. Alors, je vais vous passer une chanson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet artiste. C'est un artiste belge. Il a la voix de Garou. Oui, il est black, non? Non, pas du tout. D'accord. Mais c'était bien tenté. Oui, d'accord. Okay. Il s'appelle Kurt Close. Ah oui, oui, oui, absolument. Ouais. Et franchement, c'est vraiment à s'y méprendre. Quand il on est l'entend, belge. Oui, il est belge. Ah ouais. Kurt Close, il est belge et le titre c'était Ton image. Alors écoutez ça, franchement, oui, on dirait ça, Garou. Ça parle. Des jours que le soleil se lève, que la nuit tombe, que je reste muet comme une tombe. Je vois ton visage, ton paysage, t'es si belle que la nuit devient sauvage. Devient sauvage, mais quelle importe ton image. Au pays des rêves, où les âmes se gâtent, d'un amour qui avec cet homme qui te partage. Alors le vent me souffle tout bas, que dans ma vie il fait trop froid. Il fait trop froid, mais qu'il importe. Oh, sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. 120 au compteur, vous y êtes toujours, ça affole même ton frère, ton père et ta sœur. C'est quoi ce slogan là? Je vous en ferai une. Non, mais où il va chercher ça? Je vous en ferai une tous les mardis. Ressors-la un peu, refais-le. 120 à l'heure. Ouais, bah, ça non, affole non, même ton frère. C'est pas 120 à l'heure, hein. C'est 120 au compteur. Ça affole même ton frère. Voilà, ton père et ta sœur. Voilà, c'était très bien. Une belle interprétation, c'est oui. Notre ami Garou à peu près. Non, Kurt Close, c'est. Kurt Close, non, sans c'est un okay, artiste non, belge bien, qui a. Donc ça, c'était en 2000. Je sais plus combien. Ouais, dans les années 2000. Ouais, dans les années 2000. Non, c'est propre. Et, c'est non, propre. C'était très très bien. Et je sais pas pourquoi il a pas plus percé que ça. C'était en 2002. Je vais te faire l'idiot. J'ai déjà entendu. Et en diagonale, j'étais convaincu que c'était Garou. Parce que là, je réécoute. Après, je me suis dit, Garou fait tellement de chansons, elle a pas percé. J'étais convaincu que c'était lui. Ouais. Donc voilà. Mais je préfère Garou quand même. Je trouve qu'il a une voix un peu plus mélodieuse que. Ouais, bon après je sais pas, c'est. Ouais, c'est un goût, hein, évidemment. Ouais, tu préfères Garou, c'est dit. Ouais, mais non, bon, bref. Donc je vous en parlais tout à l'heure, juste avant, donc la coupure musicale, bah, c'est la période des carnavals. Oui, à Waterloo. Bah oui, il y a eu le carnaval le week-end dernier de Lers. Oui. Voilà, bah, c'est la pleine période. On est le carnaval de Dunkerque évidemment a démarré depuis plusieurs semaines. Oui. Et il va continuer c'est encore pendant. Ouais. C'est presque ça. Toute l'année. Mais ceci dit, il y a aussi un autre carnaval qui me tient à cœur parce que bah, ça y est, c'est chez nos voisins, c'est à Waterloo. Donc ce sera le week-end du 7 et du 8 avril. Alors le 7 avril, en fait, il va y avoir donc la soirée de l'élection du prince du carnaval. Oui. Donc à partir donc de 17h à la salle Roger Salengros. Donc là, c'est une grosse fête où il y a plus de 1000 personnes qui viennent pour assister donc à l'élection du prince du carnaval 2018. Jusque vers 1h du matin où c'est la fête, ça je peux vous le dire. Et le lendemain, c'est le défilé, donc le 8 avril, donc à partir de 14h30, pour terminer, je vous donne en mille, dans la salle Roger Salengros. Dans la salle Roger Salengros. Donc tout le défilé va se retrouver donc dans la salle Roger Salengros. Alors il faut compter aux alentours de 17h, mais ceci dit, dans les rues de Waterloo, c'est à partir donc de 14h30. Cette année, il va y avoir du monde. Il y a beaucoup de compagnies. Il y a aussi des Allemands qui viennent. Ah oui. Il y en a beaucoup qui vont défiler. Donc ça va être un très très beau carnaval. Donc à noter hein, sur vos petites tablettes. Donc ce sera le week-end du 7 et du 8 avril. Donc dans les rues de Waterloo. Mais c'est sympa, hein, Waterloo, c'est une ville qui vit quand même. Hein. Ouais. À part de Roger Salengros, c'est vrai que les gens qui nous écoutent disent mais il y a que ça. Non non, il y a le CSE qui est une salle très moderne. Bien sûr. Roger Salengros qui est une salle non pas moins moderne, mais surtout qui est immense, qui a accueilli les grands événements. Ouais. Je pense que tu connais toi-même, tu avais fait de l'animation en tant que dans c'était quoi les salons enfin commerciaux. Oui, les salons commerciaux. Oui, bien sûr, c'est là-bas. Ouais, bien sûr. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est très sympa. Donc n'hésitez et pas. Sans oublier la boîte à musique aussi. Hein. Il y a des beaux petits concerts intimistes. La boîte à musique à Waterloo, c'est ma foi très sympa. Il y a vraiment. De... Oui. Où Corbier s'était produit d'ailleurs il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je pense. Oui. À la boîte à musique. Corbier, qu'on salue, là, il est assez malade. Il est à l'hôpital en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Il est en train de se remettre d'une maladie. Voilà. François Corbier, donc du club Dorothée. C'est ça, ouais, exactement. Enfin, pour ceux qui ont connu. Par rapport aux gens, est-ce que tu connais le club Dorothée? T'étais connu trop fort quand t'étais petit, c'est ça. Et on t'a pas reconnu. Donc voilà, eh ben, écoute, Sherlock, est-ce que tu vas nous mettre de la musique cette fois-ci? Oui. mais toi, je t'aime rien de ce que je veux en fait. Si, moi, j'aimerais bien un petit Farmer, un petit Indochine. Eh ben non, là ce sera un Mojo avec Lady. Ah, ça j'aime bien. Ah oui. Ah, tu vois comme quoi j'en mets des fois de la musique. Ça c'est sympa, ouais. Eh ben on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, on est de retour sur RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et là, je vais vous parler des sorties ciné. Les sorties ciné, donc, pour demain en Belgique et en France. Je vais commencer. C'est pas du 120 au compteur, là, c'est du 60 au compteur. Je vais vous parler des sorties ciné. Mais non, mais il faut que... Allez, réveille-toi. Je vais pas leur faire les sorties ciné. Puis qu'il a du public féminin, il prend sa voix. Compteur, quand même. Hein? Je vais pas leur faire les sorties ciné bâclées non plus, tu vois. Je vais en parler correctement. Sherlock. Alors donc, merci Sherlock, une petite page musicale maintenant. Bon, est-ce qu'on va avoir envie d'aller au cinoche quand même? Ben, j'espère. Alors tout d'abord avec la finale, j'en avais parlé déjà la semaine dernière. Oui. Là aujourd'hui, ça sort en Belgique. Enfin demain, ça sort en Belgique. C'est avec Thierry Lhermitte, Ryan Bensetti et Amy Kyle. C'est un film de Robin Six. Donc c'est sorti effectivement le 21 mars en France, et donc c'est toute la famille Verdi qui est aux petits soins pour s'occuper de Roland le grand-père, qui est joué par Thierry Lhermitte et qui perd un petit peu la boule ces derniers temps. Tous sont aux petits soins donc, sauf JB, l'ado de la famille, qui est joué par Ryan Bensetti, qui n'a qu'un seul but, monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents bloqués ce week-end-là, en fait ils se font arrêter par les flics pour alcool au volant, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Lui demande d'y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l'embarquer avec lui, et pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu. Bah, alors j'en ai eu des retours, moi mes beaux-parents sont allés le voir au cinéma. Ah, c'est pas Lily pour une fois. Non, c'est pas Lily. Mes beaux-parents sont allés le voir au cinéma, ils ont dit que c'est un très beau film. Ouais. Ils s'attendaient pas à ça, parce que bon, il y a de l'humour et il y a aussi de l'émotion. Franchement, ils pensaient aller le voir. Ils pensaient que en fait Ryan. Non. Il y a un portail au resto. Et quand ils sont allés au resto, en fait, ils voulaient manger. Vous ne savez pas quoi manger. Alors ils se sont dit, on va regarder la carte des menus. Non, ils pensaient en fait que ce film avait été fait pour attirer les jeunes par rapport à Ryan Bensetti. Le truc, c'est que non, c'est vraiment un vrai film avec un vrai fond. Il y a vraiment quelque chose pour des derrière. Vieux comme tes beaux-parents. Mais non, pas forcément, parce que même pour Ryan Bensetti, c'est aussi pour les jeunes. Oh. Ouais. Oh, et puis je vais pas le dire, mais merde. Alors second film. Alors Le Voyage de Ricky sort demain, et il est sorti depuis le 7 février en France. Ah ouais. Alors c'est un film d'animation. Ricky est orphelin, recueilli par une famille de cigognes, parce que oui, Ricky c'est un petit oiseau. Ricky? Non, pas Ricky. Ricky. Pas possible. Voir un gros. Donc il est recueilli par une famille de cigognes. Il est persuadé d'en être une lui aussi. Seul problème, Ricky est un moineau. Alors quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d'automne vers l'Afrique, il doit affronter la réalité. Aucun moineau n'est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids-plume, il est surtout très têtu. Il s'envole donc tout seul pour l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu'il lit... Il y a Harry qui est mort derrière. Et lorsqu'il libère de sa cage une perruche Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine... Oui, pourquoi pas. Une aventure pleine de rebondissements commence. Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes. J'ai rien compris. C'est pas grave, tu vas voir le film. Hein. C'est un oiseau qui se prend pour une cigogne. C'est pour gamin ou Oui, c'est sérieux. C'est un film pour les gosses. Mais il faut consommer avant d'aller voir le film ou Non, parce que c'est celui qui a fait le film qui a consommé. Non, je pense, ouais. Alors, ensuite, sort en France Les Dents, Pipi et Oli. Oh là là, c'est quoi ça? C'est avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin et Timéo Bolland. C'est un film de Emmanuel Gilibert. Ça sort en Belgique le 1er août. Donc c'est Antoine qui est un célibataire endurci. Le 1er août? Le 1er août, ouais. C'est pour la traduction qu'ils prennent autant de temps. Non, flamand. Pourquoi c'est ici? Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus c'est un film français. Hein, bah ouais. Donc, Peut-être, ouais, pour les sous-titres. On va dire pour les sous-titres. Quand t'es en Belgique, tu peux pas regarder le replay de TF1. Donc Antoine, qui est un célibataire endurci, fêtard et séducteur, il vit dans un magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer, Jeanne, 1m70, yeux bleus. Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n'emménage pas seule, mais accompagnée de ses deux enfants, Théo 8 ans et Lou 5 ans. Antoine, qui est loin d'être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille. Ouais. Ouais. Mmh. J'ai l'impression de voir un peu, tu sais, sur les VOD, c'est tous ces films dont on n'entend jamais parler, que personne ne veut voir, écoute, et qu'après tu peux louer. À voir, je sais pas. Et enfin, je vais parler donc du gros blockbuster qui sort donc demain en Belgique et en France. C'est Ready Player One, le dernier film de Steven Spielberg, avec Ty Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn. Donc ça se passe en 2045, le monde est au bord du chaos, les êtres humains se réfugient dans l'oasis. Se réfugient. Oui. Il se réfugie dans l'oasis. Il est très connu. C'est connu, ça. Il se réfugie. Et merde, c'est pas possible. T'as dit un gros mot. Alors, donc, les êtres humains se réfugient dans l'oasis. Univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître. James Halliday. Oui, James Halliday. Oh! Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuvre de Pâques numérique, donc ce qu'on appelle un Easter Egg en anglais. Donc l'œuvre de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'oasis. L'appât du gain provoque une compétition planétaire, mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant. Alors c'est tiré d'un bouquin. Alors je ne sais plus l'auteur, hein, mais c'est 20 centimètres à peu près. C'est pas possible. Bah moi, sincèrement, dès que j'entends Spielberg, j'adhère. Oui, bah ouais, ça ouais, doit être bien. Ouais, contre, c'est tiré d'un bouquin. Dans le bouquin, il y avait beaucoup de références à Steven Spielberg, justement, parce que l'auteur était fan de Spielberg. Spielberg a retiré quasiment toutes les références qui lui était propre. Ah oui. Notamment, il y avait du E.T. ou des choses comme ça. Ça, on ne le verra pas dans le film. Mm-hmm. Ce qu'il a laissé, c'est la DeLorean, parce qu'il est associé avec Zemeckis, hein, pour la DeLorean. Ouais. Enfin, il y a quelques trucs comme ça, mais en gros, c'est beaucoup de références geek. Donc, il y aura des clins d'œil dans ce film-là sur les différents films de Spielberg, c'est ça que tu veux dire? Il y en a plein. Alors, dans le bouquin, ouais. Oui, il y avait des références à Spielberg. Mmh. Là, il y en a beaucoup moins, mais il y a des références à d'autres films. Hein. Donc, je conseille aux auditeurs d'aller voir le film et d'essayer de retrouver les références parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Tu sais l'anecdote, genre, enfin, c'est pas une anecdote, mais ce que je pense, c'est que Spielberg, à une certaine époque, a fait des films, mais il a revendu des droits. Donc en fait, s'il fait un film maintenant, il doit repayer les propres droits. C'est juste que lui, il a vraiment créé un univers, tout ce qui est E.T., Rencontre du Troisième Type et tout ça, ça a été vraiment un précurseur. Et là, je pense qu'il veut essayer de relancer encore un nouveau truc avec ce film. C'est lui qui a aussi réalisé les premiers Columbo. Ouais, par exemple. Ouais. Oui, non, souris, mais bon, on est quand même des. C'est vrai. Ouais. Bon, on va tirer voir quoi, Canon? Les Goonies. Non. C'est de Spielberg. D'ailleurs, pendant la coupure musicale, un petit bouffi-bouffon. J'irai voir quoi. C'est bon. Bah, sincèrement, enfin, les autres, je dis pas, c'est insipide parce que les gens qui les ont tournés, il y a peut-être des choses brillantes. Ouais. Mais non, le dernier, Spielberg, bon, en général, c'est une valeur sûre. Ouais. C'est l'œuvre de Pâques numérique là qui me c'est un peu capillotracté. Bah en fait c'est un truc qui est caché dans ce monde virtuel en fait qu'il faut trouver et donc de ce fait là les gens auront toute la fortune de ce créateur. Alors forcément il y a un grand méchant qui lui est prêt à tuer réellement dans la vie réelle pour essayer d'avoir cette œuf. Je sais pas pourquoi mais ça sent des suites ça non? Oui alors apparemment il y a une suite qui est déjà en pourparler. Bah oui je me doute. Mais je pense que ça peut très bien fonctionner. Alors, je vous propose une petite coupure musicale. Tu veux voir quoi, toi? Mais vous, tu irais voir quoi? Moi, Rikiki, ça me plaît bien, tiens. Tu t'es tellement marré avec le pitch que. J'ai rien compris, j'aimerais bien voir celui-là. Ouais. Ok, donc c'est Ricky. Ou La Belle Vie. Non, le voyage de Ricky. D'accord. Le voyage de Ricky. Alors, moi, j'irai voir Spielberg. Voilà. Oui. Et là, on va s'écouter, c'est Tom Dice, qui est un artiste belge qui a été connu à The Voice, Belgium. Ouais. Et Elisa Tovati, la demi-sœur de Lio. Ah ouais. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Hélène Noguera. C'est je dis n'importe quoi. Vous êtes toujours en direct avec Sherlock. Ouais, non. avec mon cerveau. Tu peux inventer un truc. Non, du tout. C'est donc Tom Dice et Elisa Tovati qui chantent Il nous faut. Il nous faut.

great masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. RLM 107.9 FM. RLM. Eh bien oui, donc vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9. Alors effectivement, tout à l'heure, on est parti un peu en vrille parce que c'est un peu du private joke, mais bon, rien de grave. C'est Sherlock qui nous fait encore du bouffi bouffon comme ça en live derrière sa table de mixage. Eh oui. Voilà, donc bon. Je t'avais jamais vu nu. Il vaut mieux. Bon, non, sinon, je voulais vous dire, oui, effectivement, alors je suis tombé hier, je regardais la télévision. Bon, ça arrive, quand je regarde la télé. Et je tombe sur cette fameuse émission qui s'appelle 4 mariages et une lune de miel. Oui. Voilà, donc je regarde jamais, franchement jamais. Et puis là, je tombe par hasard. Et sur qui je tombe? Sur Mademoiselle Zouzou. Absolument. Ah ouais, eh ouais, eh ouais, oui. Vous vous rappelez de Mademoiselle Zouzou? Ah oui, oui, bien sûr. Qu'on suit régulièrement, Véronique, on ne va pas la nommer. Mademoiselle Zouzou, qui est une humoriste d'ailleurs qu'on retrouve régulièrement. Il faut dire son nom, hein, c'est Véronique Pinzelli, hein, c'est ça, pas un problème. Véronique hein, Pinzelli, voilà, cherchez son nom, Pinzelli, mais voilà, voilà, qui est une artiste humoriste qu'on retrouve souvent au Spotlight. Oui. Elle est souvent au Spotlight, elle fait l'émission, je ne sais plus, mais elle fédère en fait beaucoup d'artistes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui croque. C'est ça. Voilà, puisque en fait, elle est humoriste par le papier. Et le crayon. Donc oui, elle est croquante, ça. Alors, elle fait des caricatures. Elle fait des caricatures. Voilà. On ne va pas dire croquiste. Non, ça n'existe pas. Si, on peut dire je sais pas. Croqueuse. Sais pas. Elle se produit très souvent aussi. Parfois, elle est invitée, enfin, je vous lis comme ça, les événements, les flench, tout ça, autour de ici, Tourcoing, Vers. Non. Les flench. Tu connais pas. Non, c'est pas. Les flench. Les flench. Les flench. Ouais, les flench. Les flench, les pizzas. Donc, les flench, vous pouvez le voir. C'est vrai. Oui, oui. C'est vraiment très bien. Bien souvent, et puis c'est pas un tout petit travail comme ça, c'est qu'elle fait d'autres choses, mais elle adore se mettre avec le public et elle vient et elle croque que vous êtes en train de manger, elle vient et elle vous croque pour manger. Voilà. Voilà, donc c'est Mademoiselle SMT. Voilà. Donc. C'est reparti, mais ils sont intenables. Ils sont intenables. Non, c'est la journée, on s'envoie beaucoup de vannes hors antenne, etc. On va se faire virer, surtout toi. Donc voilà. Mademoiselle Zouzou, non, c'est vrai, elle se produit souvent en spotlight. Ouais, c'est alors souvent lors des scènes ouvertes. Il y a eu d'autres artistes qui se sont produits également avec elle. Elle a fait un duo notamment avec, alors c'était Marie Plateau qu'on a reçu également, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc on souhaite un bon anniversaire à Marie, Plateau. C'est fait. Voilà, voilà. Et Marie qui dans deux jours va jouer sa carrière professionnelle parce que voilà, elle va se présenter dans un concours européen de chant. Oui, voilà. Et ben on en parlera juste après la coupure musicale si de ce concours, ce serait si bien. Tu veux. Il nous reste quelques minutes. Ok. Sherlock. Et ben on se retrouve au cœur de moi avec Amir. Oh là là. Ok. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie, un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme, je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. L'acteur qui fait son cinéma, un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois, je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines, personne ne voit. Des derniers titres d'Amir, c'est ça? Amir. C'est ça, ouais. Bah, c'est l'un de ses tout derniers titres. Je connaissais pas du tout. C'est vrai? Bah ouais. Ouais. C'est assez récent. Ouais, je suis un peu rétro, moi. Vous tu l'as rencontré, par contre, ouais. Tu me disais en antenne. Non, pas du tout. Non, rencontré. Non, ah non, pardon, non, tu non, me disais en antenne. Non, pas du tout, justement, pas du tout. Non, non. Enfin, lors des balances, j'expliquais la petite anecdote. J'ai assisté aux balances de son concert. Oui. Tous les musiciens sont là et il y en a un qui prend sa place. Et alors, j'ai pas compris. On entend la voix d'Amir derrière, en fond. Ils font les balances, mais Amir ne vient pas. Et il arrive une demi-heure avant le concert. Et j'imagine qu'il se prépare. Et puis en fait, je sais pas comment ils font. Ou alors, ils c'est pas de balance. Ouais, emploi du temps surchargé. C'est dangereux pour un chanteur de chanter sans balance. Ou alors, il chante sur scène comme il chante dans sur ses titres. Mais souvent, on prend pas tout à fait la même tonalité. C'est bizarre. Je l'ai pas vu après. J'ai pas regardé le concert. J'ai préféré aller voir le concert de Philippe Labille. Mais Amir, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Le personnage est vraiment pas mal. Mais je trouve que les chansons commencent à devenir, c'est mon goût personnel. Hein. C'est sympa, mais c'est vrai que voilà, la quatrième, cinquième, ça commence à être un peu de la redite. Ça se ressemble un peu. Oui. Voilà, bon, après, c'est une valeur sûre, c'est-à-dire c'est quand ça ramène de l'argent et ça plaît, il vaut toujours mieux faire un titre en reprenant un tout petit peu de l'ancien, enfin, un style et tout, mais bon. Là, il y a quand même, il faudrait qu'il évolue. Parce que c'est pas mal. Espérons que ce soit pas un produit feu de paille, quoi. Il est quand même à l'Eurovision, sauf erreur. Hein. Il a défendu, non ? C'est pas lui qui avait. Il était à l'Eurovision. Oui, oui, il a fini 6ème. 6ème, ouais, donc c'est honorable. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Mal, bien sûr. C'est très bien. 6ème, ouais. 2015 ou 2016 ? Oui, je pense. Ouais, 2015. 2015, on dirait, c'est une chanson de l'Eurovision. Oui. Oui, c'est l'Eurovision. Ah oui, d'accord. Bah, on dirait que c'est là, c'était sa chanson qui était présentée à l'Eurovision. Ouais. D'accord. Ok, ok. Ouais, pareil, c'est quelqu'un de très attachant. Enfin voilà. Bon, et ben il nous reste quelques minutes pour rappeler qu'effectivement il y a quand même un bel événement. Tu vas le présenter. Ah, qui se passe qui se passe à Lille donc mercredi, c'est demain. C'est le championnat d'Europe de karaoké. Donc voilà. Demain aussi. Et après-demain. Demain, après-demain et la semaine d'après. Et voilà. Il y a beaucoup de dates. Hein. Donc Paris, Lyon, il y a des sélections partout. Non, ça sera la Crète, hein, donc du 21 au 25. Donc le champion d'Europe, les deux sélectionnés des castings français représenteront la France donc en Crète du 21 au 25. Voilà. Donc ça se passe au Singing Studio. Et l'année prochaine, il y aura d'autres événements qui vont se produire encore beaucoup plus importants, dont je vous parlerai plus tard. Et là, on a hâte. Eh bien, nous, on va se quitter parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Il nous reste un petit 5 minutes. Ah, bah voilà, le temps de rappeler qu'effectivement, donc, si vous souhaitez remporter vos places pour le spectacle Quand les stars s'en mêlent, donc, je vous rappelle, hein, donc, de la troupe de temps en temps qui se produira donc du 13 au 15 avril, donc le vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15. Si vous voulez remporter vos places pour assister au spectacle Quand les stars s'en mêlent, bah, c'est très simple, il suffit de nous envoyer donc votre nom et votre prénom sur la page Facebook, donc de 120 au compteur, en nous rappelant juste le titre du spectacle. Alors là, c'est donné, hein, je vous le dis. Oui. Vous pouvez, et bien sûr, le jour où vous souhaitez être invité. C'est pas compliqué, hein. Je pense que vraiment pour trouver le titre, ça va se faire. Moi, je vous parle d'un événement, on en reparlera parce qu'on avait reçu donc Jean-Marie Odomaker qui avait fait un très très beau, très belle prestation à la Blomerie récemment dans la soirée 69-99 qui avait fait un carton plein. Et donc, il repropose le vendredi 1er juin au domaine de la Blomerie. En fait, c'est un groupe qui s'appelle Friend and the Healers qui a fait. Alors, on l'invitera à nouveau pour qu'il en parle, mais ça sera une nouvelle formule, c'est-à-dire en fait à la Blomerie, 7 euros en pré-vente, 10 euros l'entrée. Vous arrivez là, vous avez un vrai groupe de rock and roll qui a vendu déjà des centaines de milliers d'albums. Et avec DJ Pimpon, donc c'est une soirée, vous allez danser, vous allez avoir le groupe qui va jouer en direct, ça va vraiment être sympa. Donc on vous en reparlera, c'est le 1er juin à la Blomerie, mais vous pouvez déjà réserver vos agendas à partir de 21h. Et évidemment, bien sûr, on en reparlera. Bien sûr. Il y a également, dimanche soir, c'est au Salon des Orchidées à Waterloo, il y a une soirée qui est en partenariat avec RLM. Mmh. Donc c'est une soirée karaoké donc de 20h à minuit. Et ensuite, il y aura Arnaud Tirard qui va mixer. Sympa. Ouais, qui va pour une soirée. Ah, sympa. Je vais aller faire un petit coup. C'est quand alors? Eh ben moi aussi, tiens. Ouais, dis-nous, c'est quand? Je vais aussi y passer, c'est dimanche soir. Dimanche soir. C'est au Salon des Orchidées à Waterloo. Cette semaine, hein? Oui, c'est oui, ça. Oui, non, parce que j'ai le 1er avril. Oui, si, c'est cette semaine. C'est le 1er avril. C'est pas une blague, les enfants. Et en plus, vous pouvez, enfin, pour ceux qui se disent, ouais, c'est dimanche, le lendemain on travaille, eh ben non. Parce que le lendemain, c'est lundi de Pâques, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller et danser jusqu'au bout de la nuit. Oui, parce que lundi, en fait, Sherlock organise la chasse aux œufs chez lui. Ouais. Voilà, moi je vous embrasse en tous les cas, passez une bonne soirée. Eh bah ouais, on se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même antenne, et cette fois-ci, il y aura donc Stéphane qui viendra pour le mixage. Le défi mix. Le défi mix. Effectivement, son émission bientôt. Oui, c'est ça. Voilà. Qu'on attend avec impatience également. Absolument. Eh bah écoutez, portez-vous bien. Charlotte, oui. Bisous. Des bisous. Canotte, bisous. Bisouille. Et puis à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao ciao. Bonne salut. Soirée. Salut les gars, c'était génial.